le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le bonheur est-il une idée neuve? Souvenez-vous, le chanteur Kali se demandait c'est quand le bonheur? Il avait une approche évidemment chronologique parce que le chanteur Christophe Maé, lui, s'interrogeait, il est où le bonheur? Enfin, où est le bonheur? Sans doute là avec une approche sociologique, peut-être géographique. Jane Birkin, quant à elle, Baby Alone in Babylon, voulait fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, sur des paroles de Serge Gainsbourg qui s'inspirait de Francis Picabia, qui voulait lui aussi fuir le bonheur. Mais nous ne nous sauvons pas, car voici l'histoire du bonheur. Rémi Pavin, bonjour. Bonjour. Au moment de réfléchir au bonheur, il y a toujours cette nécessité de définir les mots du sujet. Alors avec le bonheur, quelle difficulté! Comment peut-on définir le bonheur? Vous avez étudié le bonheur au XXe siècle, principalement après la Seconde Guerre mondiale. Comment peut-on définir le bonheur? Alors les philosophes s'attachent à le définir. Moi, en tant qu'historien, je pratique une histoire des représentations, donc je m'intéresse à la manière dont les sociétés l'ont défini. Donc je ne livre pas de secrets ni de définition du bonheur, mais je m'intéresse donc aux représentations et j'essaye de voir ce que les gens ont pu dire du bonheur avec par exemple une approche nominaliste en pouvant consulter les ouvrages dont le titre comporte le terme bonheur ou un terme du champ sémantique associé, ou alors les grands discours qui ont pu circuler et qui parlaient du bonheur. Parce que le mot bonheur apparaît particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans l'édition, notamment, que j'ai pu étudier, le nombre de livres consacrés au bonheur croît de manière exponentielle depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce Il a été multiplié par 6 dans l'édition, et donc alors on publie plus de livres, mais même si on rapporte au nombre de livres publiés, la courbe a une allure très croissante également. Justement sur ce bonheur à rechercher, celui sur lequel vous enquêtez, Rémi Pavin, il y a ses discours, il y a ses ouvrages. La recherche du bonheur n'est pas simplement une quête individuelle, c'est aussi une volonté de connaître le bonheur d'une population. Comment avez-vous pu retrouver ces mesures du bonheur? C'est très difficile à mesurer le bonheur. Alors c'est un objet effectivement extrêmement flou, très labile. À partir d'après la Seconde Guerre mondiale, se développent des enquêtes dites de bien-être subjectif, dont les médias actuellement parlent régulièrement, et dans lesquelles on va poser la question aux gens: est-ce que vous êtes heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Donc il y a différentes manières de l'aborder. Et donc ça, c'est un premier élément qui éventuellement permet d'approcher ce qu'on appelle plutôt que bonheur, d'ailleurs, dans les études, le bien-être subjectif. Et puis, ça peut donner une vision un petit peu macro-sociale. Et d'un point de vue micro, pour essayer de comprendre comment se construit le bonheur au niveau individuel, on a des sources. L'historien, évidemment, travaille avec des sources. Et par exemple, à Ambérieu-en-Bugey, l'association pour l'autobiographie conserve des journaux intimes et je suis allé passer quelques temps consulter pour lire des journaux intimes et pour voir au plus près de l'individu comment ces derniers pouvaient construire leur bonheur. Au plus près de l'individu avec les journaux intimes et puis avec les sondages, et bien justement, accompagnons des sondeurs. Bonjour madame, je suis chargée de faire un reportage pour l'Institut français d'opinion publique et j'aimerais avoir votre avis sur quelques questions concernant le bonheur. Vous êtes tenancière de café, je vois. Oui, mademoiselle. Vous n'avez pas de radio, non, pas de domestique, pas d'automobile, non, pas de propriété. Estimez-vous que vous êtes très heureuse, assez heureuse ou pas très heureuse? Très heureuse, du moment qu'on est en bonne santé. Admirons le courage indomptable des enquêteurs qui n'hésitent pas à monter à l'assaut des étages pour mener à bien et jusqu'au bout leurs investigations. Le bonheur pour l'enquêteur, c'est aussi d'être bien accueilli. Dans cette maison, on doit être, assez heureux. Ça ne sera pas très long. Bon, alors pour vous, madame, être heureux, c'est savoir toujours prendre la vie du bon côté. Et vous, monsieur, avoir assez d'argent pour ne pas manquer du nécessaire. Vous savez, il y a un proverbe qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Ah bah oui, il y contribue. Nous étions en 1956 pour un reportage autour de l'IFOP qui cherche à mesurer le bonheur. Ces sondages notamment sont spécifiques de l'après-Seconde Guerre mondiale, Rémi Pavin? Alors, ils apparaissent dans le monde anglo-saxon un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Les premières enquêtes sur le bonheur en Angleterre, la première date de 1911, mais elle n'est pas faite par sondage. Et puis, la technique des sondages se développe avec Gallup à partir de 1929. Et aux États-Unis, on a des premiers sondages avant la Seconde Guerre mondiale, mais pas en France. Le premier en France date de juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois que c'est 1944. L'IFOP, effectivement, s'est créé puisque Jean Stutzel est allé rencontrer Gallup aux États-Unis. Et il importe la technique en France. Et on commence à faire des sondages. Alors, par rapport à l'ensemble des sondages, c'est loin d'être le premier objet des sondeurs. C'est un petit peu pour l'IFOP une sorte de vitrine un petit peu sympathique qui peut publier, par exemple, au moment des fêtes de fin d'année, déjà. Et puis ensuite, ça se développe à partir des années 70, puisque la Commission européenne, à l'époque de la CEE, crée le premier baromètre en 1973. Voilà, c'est un baromètre pour essayer de mesurer. Alors, nous utilisons ce mot « bonheur », mais le champ lexical est gigantesque, parce qu'il y a ce bien-être aussi. Bonheur, c'est une chose, mais la question qui est posée, c'est « êtes-vous heureux ? Êtes-vous heureuse ?» Le champ lexical est vaste. Alors le champ lexical du bonheur est vaste. Moi, pour justement essayer de repérer l'ensemble des discours en circulation, j'avais repéré, je crois, 14 termes. Donc joie, plaisir, bien-être, satisfaction, félicité, extase, sérénité, j'en passe. Le terme qui est le plus employé dans ces sondages, en fait, c'est plutôt satisfait et satisfaction, de manière étonnante, alors que pourtant, quand on parle du bonheur, le mot qui est le plus englobant et qui est le plus utilisé, c'est plutôt bonheur. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes, parce qu'en fait, ça vient du monde anglo-saxon, et on utilise satisfied beaucoup dans le monde anglo-saxon, et la traduction du coup en français entre satisfait et bonheur, et c'est pas exactement la même chose, y compris dans la tête des sondés. Ce qui pose des problèmes de comparaison internationale. On y reviendra peut-être un moment sur justement pour comparer les niveaux de bien-être à l'échelle mondiale. Le mot bonheur est incontestablement le plus utilisé par les populations, par ceux qui écrivent, et donc dans les sondages, on utilise en revanche plutôt le terme satisfait. Ces sondages sont-ils analysés ? Les chiffres sont-ils livrés simplement, comme vous disiez, au moment des fêtes de fin d'année pour dire si les gens sont heureux ? Ou alors y a-t-il une vraie réflexion ? Alors au départ, ils sont essentiellement livrés à l'état brut. Et puis ensuite, on essaye, puisque en fait, moi ce que j'ai essayé de montrer dans mon ouvrage, dans mon travail, c'est que le bonheur devient une, voire la valeur principale de la société française dans les années 1960, à partir des années 1960-70, pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Et dans ce cadre, comme le bonheur est devenu légitime, ce qui était loin d'être le cas au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des études sur le bien-être commencent à se mettre en place, qui aboutissent à aujourd'hui les autoproclamées sciences du bonheur. Le terme est sans doute un petit peu exagéré, mais à partir du moment justement où il y a ces baromètres qui sont mis en place, où ces sondages se multiplient, on essaye de comprendre finalement ce qui amène les gens à dire aux sondeurs qu'ils sont heureux, moins heureux, etc. Et par exemple, un des paramètres dont on se rend compte, c'est que comme le bonheur est devenu quelque chose, une valeur cardinale, il y a ce qu'on doit appeler un biais de désirabilité sociale qui fait que les gens, sans doute, ont tendance à se déclarer un petit peu plus heureux qu'ils ne le sont. Votre ouvrage, Rémi Pavin, Histoire du bonheur en France depuis 1945. 1945, l'année choisie est pertinente parce que vous nous l'avez dit, le bonheur devient une valeur majeure. Donc, il ne l'était pas. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dire que l'on est heureux, parler du bonheur, comment cela est-il perçu ? Eh bien, assez mal. En fait, le bonheur reste encore associé à des choses négatives, à l'égoïsme, à la paresse. Au début du XXe siècle, on pouvait lire, par exemple, sous la plume d'Anatole France, que la bêtise, c'est l'aptitude au bonheur. Pour Freud également, le bonheur n'est pas une valeur culturelle. Finalement, au sortir de la guerre, on reste encore dans ce modèle où le bonheur est quelque chose de perçu comme égoïste, éventuellement coupable. On cite beaucoup la Bruyère, il y a une sorte de honte à être heureux à la vue de certaines misères. Et face au malheur du monde, celui qui rechercherait le bonheur est vu comme quelqu'un d'un petit peu égoïste. Et progressivement, les choses évoluent. Progressivement, les choses évoluent parce que la question que nous nous posons dans le cours de l'histoire sur France Culture est tout simplement, êtes-vous heureux ? Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ? Je vous en prie. Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? S'il vous plaît. Bien, monsieur. Êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. On ne se pose pas le problème du bonheur, c'est peut-être pourquoi on se considère comme heureux, parce qu'on ne se pose pas le problème du bonheur, qui est un mot assez creux. Parce que se poser le problème du malheur, c'est se poser le problème du bonheur, c'est se poser le problème du malheur, et le problème du malheur, c'est ridicule, c'est un mot à rayer des vocabulaires, le malheur. Il y a la douleur, il y a tout ce qu'on veut, mais pas le malheur, ni le bonheur. Vous voyez, par exemple, nous n'avons pas d'argent. Mais je connais très peu de gens dans notre entourage qui gagnent pourtant de très fortes sommes tous les mois, qui est une bibliothèque ou une discothèque comme la nôtre. Parce que dès que nous vendons une petite toile, c'est vraiment pour enrichir notre univers avec des accords, des objets. Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin en 1960. Êtes-vous heureux, Rémi Pavin? Non, c'est pas votre la question. C'est pas êtes-vous heureux. C'est mais ça pourrait être très intéressant aussi parce que l'historien doit être heureux. Son matériau est sublime dès qu'il s'agit d'une question aussi complexe que celle du bonheur. Le bonheur perçu, alors vous nous l'avez dit, au sortir de la guerre, comme une forme d'égoïsme. Nous le comprenons très bien. Il y a aussi une lecture à faire du bonheur. Il n'est pas perçu de la même manière par des communistes, par des gaullistes, par là où l'on se place dans la société, dans le champ politique. Tout à fait. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, finalement, c'est contrairement à cette phrase d'introduction, en fait, les gaullistes et les communistes se rejoignent relativement sur la question du bonheur. La morale et l'éthique étaient essentiellement productivistes. Il s'agit pour De Gaulle de faire des millions de beaux bébés. Finalement, cette question du bonheur, l'aspiration au bonheur est quelque chose d'un petit peu vain pour les gaullistes et pour éventuellement les élites conservatrices françaises qui lui préfèrent la recherche de la gloire ou de la puissance retrouvée de la France. Les communistes, eux, au contraire, considèrent le bonheur comme une morale petite bourgeoise et s'appuient plutôt sur le malheur des temps présents pour susciter l'engagement et pour mobiliser la population. Chez ces deux courants, qui sont quand même essentiels, qui forment le gros des troupes des citoyens français, le bonheur est donc incriminé. Au contraire, le bonheur va être valorisé peut-être par une frange de la population, faite plus d'employés notamment, urbaines, et qui ne se reconnaissent pas justement dans ces deux groupes importants de la société française. Oui, on pourrait presque dire que pour les gaullistes et les communistes au sortir de la guerre, le bonheur c'est après, il faut atteindre le bonheur. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Thomas Bouchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé en histoire de la pensée politique à l'Université de Lausanne et vous publiez aux éditions Anamosa Utopie. Justement, il y a de l'utopie aussi dans cette réflexion sur le bonheur parce que l'utopie possible, certaines utopies, eh bien, ont pour vocation, pour but de nous conduire au bonheur. Oui, mais... Oui, mais alors... Oui, mais j'ai le même problème que Rémi avec bonheur. J'ai du mal à définir utopie. Et ce que j'ai produit est plutôt un essai qu'un manuel ou un traité. Je vous rejoins sur l'idée que le bonheur est un des éléments de la réflexion et de la rêverie de celles et ceux qui écrivent ou qui vivent de manière aussi utopiste que possible. Mais je suis pas certain que cet horizon soit un horizon parfaitement partagé et indépassable, au sens où, à mon avis... Le mouvement de l'utopie est un mouvement d'amélioration des conditions, à la fois individuelles et collectives, en vue de quelque chose qu'on a du mal à définir, et que chacun définit un peu à sa manière. Il y a le repoussoir du malheur, le repoussoir des malheurs du temps, et ça c'est une constante, me semble-t-il, dans la dynamique des utopies. De Thomas More jusqu'à aujourd'hui, rôde la question de la faim, rôde la question... du mal logement, rôde la question des difficultés de la vie quotidienne. Il s'agit de contester l'ordre du monde tel qu'il va pour tenter de bricoler, de construire ou d'élaborer autre chose. Et dès lors qu'on essaie de mettre un nom sur ce quelque chose, les difficultés commencent. Oui, parce que le mot est complexe, nous l'avons dit avec le mot bonheur, avec le mot utopie. Nous avons aussi la chronologie à mettre en place. Vous avez cité ce nom de Thomas More. L'utopie naît dans un monde très différent que celui que nous évoquons aujourd'hui. C'est au XVIe siècle quand Thomas More réfléchit à l'utopie. Quelle est cette utopie première ? Quelle est cette utopie première ? Bien difficile à dire, mais je vais essayer quand même. En fonction des lectures que j'ai faites, je ne suis pas du tout spécialiste du XVIe, mais je suis passionné par Thomas More. Il me semble qu'avec Thomas More s'invente quelque chose de nouveau. La question de l'utopie prend corps dans son livre de 1516, mais selon des modalités très déroutantes, au sens où il est la plupart du temps question chez lui d'utopie, mais parfois aussi d'utopie. Utopie au sens du non-lieu ou du lieu de nulle part, utopie au sens du bon lieu, voire éventuellement, mais il y a un enjeu de traduction de ce côté-là, du lieu du bonheur, j'en sais rien. Mais il y a une indécision entre les deux. De la même manière qu'il y a une grosse indécision à prendre en compte, me semble-t-il, sur la nature et le régime de l'écriture de Thomas More. Il pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Il y a beaucoup de locuteurs. Il y a un personnage qui s'appelle Raphaël Itlaudet qui raconte qu'est l'île d'Utopie, mais il n'est pas le seul à prendre la parole. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Thomas More. Mais derrière le personnage qui s'appelle Thomas More, il y a un auteur qui s'appelle Thomas More et c'est pas le même, ou pas forcément le même. Et puis Itlaudet, qui décrit de manière si réjouissante par certains côtés l'île d'Utopie, a un nom étrange et c'est More qui l'a forgé. Itlaudet, étymologiquement, ça veut dire le diseur de sornettes, le menteur. Alors on ne sait pas à quoi s'en tenir avec cette île d'Utopie qu'il décrit dans les moindres détails. Et le fleuve qui parcourt l'île d'Utopie s'appelle le fleuve Anhydre. Et ce fleuve est donc étymologiquement un fleuve sans eau. Oui. Il y a de la ruse, il y a du masque, il y a du jeu, me semble-t-il, dans Utopie de More. Et c'est ce jeu que l'on retrouve sans cesse avec ce mot utopie qui traverse les siècles, depuis le XVIe siècle, qui est toujours présent aujourd'hui, sans que l'on sache vraiment bien où se trouve l'utopie, où est cette île. Et d'ailleurs, la question se pose aussi, où est le bonheur ? Le bonheur. France Culture. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite. Le cours de l'histoire. Cours-y vite, il va filer. Xavier Mauduit. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Voilà, c'est Paul Fort qui récitait son poème « Le bonheur ». Le bonheur est dans le pré, dans le cours de l'histoire. Dites-nous, Rémi Pavin, ces questions d'utopie, de projection sur le futur, ne font pas partie de ce que les gens disent après la Seconde Guerre mondiale dans leur expression du bonheur, ou en tout cas dans la recherche, si je reprends la question des sondages, dans les questions qui sont posées. Nous sentons que nous sommes sur des choses extrêmement factuelles. Êtes-vous heureux ? Et souvent les réponses jouent autour de la santé, du bien-être. Et est-ce qu'il y a parfois des projections un peu utopistes ? Oh, mais bien sûr. Après, ce qu'on peut voir dans les sondages sont finalement posent peu de questions, et donc les sondages n'abordent pas cette facette du futur. Mais le futur et la manière dont on envisage le futur fait partie intégrante de à la fois les conceptions du bonheur, ce qu'on peut en dire, et les expériences du bonheur, ce qu'on peut en ressentir. Dans une certaine, aujourd'hui, par exemple, les études sur le bien-être subjectif montrent que la personnalité et ce qu'on envisage de l'avenir, évidemment, jouent un rôle et que les individus les plus optimistes sont aussi ceux qui se déclarent le plus heureux. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, dans la tradition philosophique occidentale, depuis le 19e siècle, il y a une opposition avec d'un côté des tenants de l'espoir, et qui estime que l'espoir est une composante essentielle pour le bonheur, donc c'est-à-dire l'espoir, l'idée qu'on peut vivre un progrès. Et dans la période sur laquelle j'ai travaillé, le mythe du progrès est fondamental. Hein. Il commence à s'effriter à partir des années 70, puisque finalement on voit bien la faillite de cette idée du progrès. Donc le progrès, c'est quoi ? C'est l'idée qu'il y a un décalage très fort entre le futur et le présent, et que ce décalage est affecté d'un signe positif. Donc on a d'un côté des populations et des individus, des groupes qui estiment que l'espoir est fondamental, et puis de l'autre côté, il y a une tradition philosophique française qui s'enracine chez un philosophe du 19e siècle qui s'appelle Jules Lagneau, qui a été le professeur d'Alain, et Alain, c'était un prof de Cagnes à Henri IV, qui a formé des générations de Cagneux, de Normaliens, qui sont devenus très célèbres hein, au XXe siècle, et pour lequel le bonheur, finalement, pour être heureux, il faut accepter l'absence d'espoir. Oui, accepter l'absence d'espoir, et tout cela s'inscrit dans des contextes différents qui évoluent très particuliers. Évidemment, ce n'est pas la même chose après la Seconde Guerre mondiale que dans les années 1960. Alerte atomique. Cette femme hagarde, cette femme au visage de damné, regardez-la, regardez-la bien. Cela pourrait être vous. Le petit écran pourrait bien être ce soir qu'un miroir, un œil ouvert sur le devenir, sur votre devenir. Mais les miroirs ont toujours deux faces. Cette femme heureuse, cela peut aussi être vous. Un autre avenir est possible, un avenir où vous travaillerez moins, où vous vivrez mieux, où votre existence sera plus harmonieuse. Et il dépend de vous que cet avenir-là se réalise, plutôt que l'autre. Thomas Bouchet, nous entendions ici de l'utopie à la prospective, publiée à la Radio-Télévision française en 1965, une réflexion sur cet avenir avec un rôle de l'individu essentiel dans cette utopie, peut-être, vu qu'il y a une projection sur l'avenir. Oui, à ceci près peut-être que une modalité importante de l'utopie est, aussi paradoxale que ça puisse paraître, le présent. Une projection vers l'avenir ou vers un avenir lointain n'apporte pas de perspective à l'échelle de la vie humaine, des individus, des groupes. Et il y a chez de nombreux penseuses, penseurs de l'utopie, auteurs, autrices de textes utopiques ou praticiennes, praticiens de l'utopie, l'idée que c'est maintenant que ça se joue, que c'est pas dans un futur indéterminé ou que c'est pas non plus dans un non-lieu. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une profonde incertitude, mais qui est déterminante et vive à partir de la question de l'utopie. Pas ailleurs, pas après-demain ou après le jugement dernier, mais maintenant, en réorganisant les manières d'être ensemble. Oui, parce que si nous réfléchissons au bonheur et à l'utopie, nous l'avons dit, certaines utopies peuvent imaginer la construction d'un avenir qui pourrait nous conduire au bonheur. Mais d'autres utopies imaginent un avenir très sombre pour dire que le bonheur est peut-être maintenant. Absolument. Et certains insistent sur le fait que il suffirait de presque rien. Il conviendrait simplement de réagencer les relations entre les êtres. Celui qui exprime ça, me semble-t-il, de manière très caractéristique, c'est au début du 19e siècle, donc on a fait un gros saut dans le temps, Charles Fourier, qui pense que voilà, le bonheur consiste à avoir beaucoup de passions et beaucoup de moyens de les satisfaire. Et que ce bonheur n'est pas impossible à atteindre, qu'il convient simplement de décider une fois pour toutes que les passions ne sont pas là pour être engorgées, mais pour se développer et s'épanouir. Et là, on est vraiment dans la modalité du présent. Et Fourier ne donne pas la clé de l'avenir. J'ai plutôt l'impression qu'il stimule, provoque également. Il y a une dimension provocatrice assez forte, me semble-t-il, dans les utopies. Et indique, à qui veut bien l'entendre, et peu de gens l'entendent, pour tout dire, invite à prendre en main les choses et puis à s'y mettre. Dans cette réflexion sur le bonheur, ce bonheur qui s'impose peu à peu après la Seconde Guerre mondiale, dans ces années d'après-guerre, sommes-nous sur un bonheur qui est considéré comme présent, Rémi Pavin, ou est-il toujours projeté dans le futur ? C'est vrai que nous imaginons très vite ces années 50, dans l'euphorie, la société de consommation. Les gens ont-ils à ce moment-là l'impression que ça y est, le bonheur est là ? Pas dans les années 50. Il faut imaginer qu'au sortir de la guerre, la France est dévastée, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a des gens qui reviennent pas, et donc la situation est tragique. dans les années, donc l'heure où sortir entre 1945 et 1950 est à la reconstruction. Donc à ce moment-là, le bonheur dans le présent, il est difficile, contrairement à une image d'Épinal, des scènes de liesse à la Libération. Alors bien sûr, on a dansé, mais finalement, c'était très court. Dans les années 50, ensuite, l'économie française est tout entière tournée vers des investissements, vers des infrastructures, et une bonne partie des gains de productivité sont utilisés dans des guerres coloniales, qui sont dramatiques et qui sont tragiques. Et donc, dans les années 50, contrairement à aussi une image assez répandue, l'heure n'est pas au bonheur. Oui, parce qu'il y a la guerre d'Indochine, il y a la guerre d'Algérie. C'est difficile d'être heureux dans des contextes comme ça, même si après... Bien évidemment, quand vous avez un fils, quand vous avez un neveu, quand vous avez des cousins qui sont partis et qu'on a envoyé combattre sur des terres lointaines, quand la situation politique est très mal perçue, avec une 4e République qui, dans l'opinion, a mauvaise presse, avec évidemment des oppositions très fortes et tout à fait justifiées aux guerres coloniales, le bonheur n'est pas quelque chose qui est très largement répandu dans la population française. De toute façon, le bonheur ne se raconte pas. Comme toujours, le titre, c'est le sujet du film. Le sujet n'est pas non plus l'histoire. Je veux dire que le bonheur est une notion. Le bonheur n'est pas une histoire. D'abord, on sait bien que le bonheur ne se raconte pas. Et d'autre part, le bonheur n'est pas un événement. On sait que le bonheur est une... couleur sur les choses, une saveur, une lumière sur les choses. Enfin, le bonheur est une notion abstraite. Oui. Donc, si le sujet du film est cette notion qu'est le bonheur, l'histoire qui est racontée dans le film illustre ou n'illustre pas cette notion. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ou du moins, elle illustre plus exactement l'histoire de personnages qui veulent être heureux. Qui veulent être heureux. Ah, la recherche du bonheur. Et bien, c'est Agnès Varda qui parle de son film Le Bonheur en 1965. Rémi Pavin, vous nous avez expliqué que dans le corpus, dans les documents que vous avez utilisés, il y a bien sûr ces sondages, les journaux intimes, il y a les discours qui citent le bonheur, les ouvrages et les films. En l'occurrence, un film de 1965 d'Agnès Varda, qui n'est pas le film qui a été le plus vu dans les années 1960, disons-le. Mais malgré tout, qu'apporte-t-il à l'historien que vous êtes ? Alors le film Le Bonheur d'Agnès Varda, il est intéressant parce que c'est une proposition d'une image du bonheur extrêmement provocatrice. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, hein, mais ça, si mes souvenirs sont bons, je l'ai pas revu récemment. Mais déjà, il est dans mon corpus puisque le titre comporte bonheur. Donc forcément, ça en parle. Et puis Agnès Varda, j'ai dû le voir. Donc ça raconte l'histoire d'une famille, me semble-t-il, où l'homme a une maîtresse et puis je crois que la femme meurt au milieu du film. Je suis désolé, je vais le spoiler. Hein. Et ça pose pas tellement de problèmes puisque les enfants et le mari sont heureux finalement assez vite de la mort de la et se reconstruisent quasiment immédiatement après le décès de la mère des enfants. Donc c'est quand même extrêmement provocateur, hein, et d'ailleurs ça c'est quand même, disons-le, vous l'avez dit, hein, ça passe largement inaperçu dans les années 1960, hein, au moment où ça sort. Donc ce film, il est intéressant pour l'historien, il est sans doute aussi intéressant pour l'historien du cinéma. En revanche, moi, j'ai utilisé les films pour essayer d'apprécier la diffusion et la circulation des représentations du bonheur. C'est-à-dire que je me suis plutôt focalisé sur des films à succès, comme dans mes ouvrages, dans les ouvrages que j'ai pu utiliser, donc dans toute cette bibliographie spécialement dédiée et consacrée au bonheur, il y avait des ouvrages à succès, mais il y avait aussi beaucoup d'ouvrages édités à compte d'auteur avec une très faible diffusion. Moi, j'estime que quand on fait de l'histoire des représentations, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir leur prégnance, leur force, et pour mesurer leur influence, il faut voir et il faut analyser des représentations qui ont été lues, qui ont été vues, c'est-à-dire qui ont eu une réception importante. Et c'est la raison pour laquelle je me suis plutôt focalisé sur des films à succès. Donc j'ai pris des films parmi les 20 films les plus vus de l'année. Hein. J'ai pris des listes de box-office et je me suis intéressé donc plutôt à ces ouvrages, à ces films, voilà, à succès. Et dès lors, à travers les films à succès, il est possible de saisir, alors là, de manière plus qualitative, ce qu'est le bonheur. En tout cas, ce qu'on propose comme bonheur, aux spectateurs. Et du coup, ce qui va les influencer, puisque pour être influencé par une représentation, encore faut-il en avoir pris connaissance. Justement, sur les utopies, nous sommes aussi sur ces réflexions-là de diffusion, parce que l'utopie est une chose, la diffusion de l'utopie en est une autre. Absolument.

enfin la guerre d'Algérie est finie. On est rentré depuis peu dans une nouvelle république. Les fruits justement, ce que j'évoquais pour les années 50, c'est-à-dire les investissements dans des infrastructures et des industries lourdes qui finalement profitaient peu aux populations, les populations voient c'est le développement de la société de consommation en France. Et je pense qu'on peut la décrier, la société de consommation en France, mais quand pour la première fois de sa vie, on est raccordé à l'eau courante, on a une salle de bain moderne, quand on voit l'afflux des populations qui étaient mal logées, on est dans un moment où on loge, on construit de logements à tour de bras, donc ça y est, il y a des populations qui habitaient dans des taudis, dans des bidonvilles. Alors, il reste encore jusqu'aux années, il y en a un certain nombre jusqu'à années 70, mais ils sont de moins en moins nombreux. Hein, des populations, des millions de personnes accèdent à un logement moderne, acquièrent des biens de consommation, des biens, ce qu'on appelle des biens d'équipement. Hein, et quand on lit les journaux intimes, alors je sais qu'aujourd'hui, ça c'est pas toujours la vision qu'on a envie de proposer à l'heure justement de l'ultra-consumérisme, mais quand pour la première fois on a un frigo, une machine à laver ou une télévision, ça procure quand même, en tout cas moi c'est ce que j'ai lu dans les journaux intimes, une certaine joie. On est dans la société automobile, et pareillement les gens, ça y est, ont des voitures, et du coup il y a un changement au début des années 60, c'est ce que j'appelle le début des très heureuses, en 1962, donc à la fois les populations qui étaient exclues du consumérisme et qui du coup avaient faim, si je peux m'exprimer ainsi, y aspiraient, voient leur quotidien changer, et en même temps des populations qui jouissent depuis longtemps, donc des élites, des populations très aisées qui jouissent depuis longtemps des biens de consommation, ont des perspectives politiques d'engagement, de contre-culture qui s'offrent à eux. Et du coup, il y a un moment un peu de convergence, un moment heureux, de convergence de pour différents groupes de population, d'expérimenter des choses nouvelles. Et je pense que le bonheur, ça vient notamment de la nouveauté. Alors après, évidemment, on va être déçus. Hein, la voiture, le frigo, la télé vont nous décevoir. Mais pendant quelques années, ça va avoir un effet. Oui, parce que les 13 heureuses, 13, c'est le nombre 13. Hein, donc 1962 plus 13, nous arrivons en 1975. Il s'est passé quelque chose dans cette période-là, avec toute cette réflexion extrêmement liée au matériel, aux conditions de vie, mais qui a une influence aussi sur la manière de percevoir le monde, éventuellement le futur, ses utopies aussi. Thomas Bouchet, comment cela évolue-t-il, des conditions de vie pour la projection dans l'utopie ? Il me semble que, à essayer de percevoir les pulsations de l'histoire des utopies, quelque chose se passe, y compris pendant ces moments de plus grande prospérité ou de plus grande facilité matérielle. J'en voudrais pour, non pas pour preuve, mais pour indice, ce qui se joue par exemple en Franche-Comté, à Besançon, du côté de l'entreprise LIP en 1973. Bien sûr, les conditions matérielles sont plus favorables, mais quelque chose manque. Quelque chose manque, avec un point de cristallisation qui est important, qui est celui de l'emploi, et un certain nombre d'ouvrières, d'ouvriers, d'employés se mobilisent pour indiquer qu'il n'est pas possible de vivre ainsi et qu'il est possible de vivre autrement. Et un des grands slogans de LIP, c'est possible, on fabrique, on vend, on se paie. Et là, il y a l'esquisse d'une autre manière d'être en société. Et le « on fabrique, on vend, on se paie », ça fonctionne pendant un moment. Et peut-être pour alimenter encore cette idée de bonheur, aussi insaisissable soit-il, on pourrait faire référence à ce qui se passe au-dessus de Besançon, dans un des forts qui s'appelle le Fort Brégille, à Noël 1973, où des centaines et des centaines d'ouvrières, d'ouvriers de LIP et de sympathisantes, de sympathisants se retrouvent pour le repas de Noël, avec en star de la soirée, un immense plateau de fromage en forme d'horloge, avec les bons fromages franc-comtois sur lesquels on pourrait parler très très longtemps, mais l'idée qu'il y a un bien-être optimiste ensemble possible alors que les temps sont vraiment durs. Il ne faut pas oublier que les LIP, ils ont été expulsés par la force et par la police de l'usine qu'ils occupaient à Palante, et donc ils ont occupé Besançon. Oui, on ne dira jamais combien, hein. C'était un mouvement de profond et observé aussi, Rémi Pavin. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce que j'ai oublié également de mentionner à propos de ces très heureuses. À la fois, donc, pour des parties de population qui aspiraient au bien-être matériel, il y a des possibilités nouvelles, et puis c'est aussi et surtout un moment au cours de laquelle la lutte paye, on parlait des utopies, c'est-à-dire c'est des moments de très forte mobilisation, le Parti communiste français est très fort, à la fois, donc, il y a la lutte communiste, il y a aussi des des nouvelles formes de lutte qui émergent, avec la question de l'autogestion à partir des années 68 notamment. Et je crois que justement, c'est un moment où on croit et où ce progrès social et politique semble exister. C'est-à-dire que les gens peuvent se mobiliser et la lutte rend heureux. Et je pense que, dans une certaine mesure, les LIP, avant de se faire expulser, ça rend heureux. Lutter, se mobiliser ensemble, c'est aussi une manière de tisser des liens. Finalement, qu'est-ce qui nous rend heureux? Alors, il y a l'être, là, bien sûr, l'avoir joue quelque chose, mais le faire et l'être sont des dimensions essentielles qui nous rendent heureux. Et justement, on est dans un moment où les gens, où on croit que la vie peut changer, et en plus, quand on se mobilise, on voit concrètement des améliorations de sa vie quotidienne. Donc, non seulement on a tissé des liens avec les autres, mais en plus, on voit l'amélioration. Et donc, je crois que justement, c'est très heureuse. C'est un moment très fort où des choses peuvent se passer. Des choses se passent et dès qu'il se passe des choses... Ben on parlait de LIP justement avec les manufactures horlogères Besançon sublimes, mais le politique, le pouvoir politique prend en compte ces mouvements de société. La ville, avec ses bruits, son rythme, ses trépidations, le citadin moderne n'en veut plus. Alors dès qu'il le peut, il part n'importe où pourvu qu'il y ait de la verdure. Pour trouver cette verdure, souvent il faut aller loin, très loin. Avant de pouvoir se reposer dans cette oasis de calme, ce même citadin a dû rouler 50, 100, 200 kilomètres. Il a dû perdre 2, 3, 4 heures dans les encombrements insupportables, dans le bruit, la nervosité, et tout cela en gaspillant une essence de plus en plus chère. Alors, au nom de la qualité de la vie, M. Jarreau veut rapprocher les espaces verts des lieux d'habitation. Par exemple, en ouvrant aux portes des grandes villes, des parcs dont le public ne soupçonne pas l'existence. En 1974 est créé ce ministère de la qualité de la vie avec André Jarreau comme ministre. C'est intéressant ça, Rémi Pavin, parce que quand nous entendons cette présentation du ministère, c'est de l'écologie, c'est de l'environnement, dirons-nous. Mais en fait, le nom du ministère est qualité de la vie. Ça veut dire quelque chose. En plus, 1974, c'est l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. C'est une consécration. Pour le bonheur et le bien-être, c'est une consécration hein, au plus haut niveau, au niveau des élites politiques. Donc effectivement, dans son fonctionnement, en fait, c'est une sorte de ministère de l'écologie. Hein. Giscard a été élu en 1974, première candidature écologiste de René Dumont. Et donc c'est une manière de prendre en compte à la fois les aspirations écologiques d'une partie de la population, et puis justement cette valorisation sociale et ce bonheur et ce bien-être qui est devenu quelque chose d'essentiel pour les populations. Donc c'est une forme d'officialisation, et ça va avec, quelques années auparavant, la création par l'État français du CEREB, du Centre de Recherche sur le Bien-être. Et donc, ça y est, le bonheur devient quelque chose de totalement légitime et légitimé au plus haut niveau de l'État. L'État récupère toutes ces notions, toutes ces réflexions, mais en même temps, c'est son boulot, on va dire, représentant d'une volonté populaire. Mais les utopies dans cette histoire-là sont-elles aussi toujours des éléments de contestation politique ? Je le pense. Je pense qu'on n'en a jamais fini avec les utopies, au sens où... Aujourd'hui, par exemple, même si certains indicateurs pourraient montrer que la vie n'est pas tragique pour une partie de la population, malgré tout ce qu'on est amené à subir, bah, il reste des hommes et des femmes au bord de la route dont les aspirations ne sont pas prises en compte ou pas suffisamment prises en compte. Aujourd'hui, 2022, lorsque j'essayais de m'interroger sur l'actualité des utopies, je pensais assez spontanément à plusieurs lieux où les utopies sont actives, à un centre social là où j'habite et où les enfants, et en particulier les enfants pour qui c'est très compliqué, trouvent une place qui leur ressemble davantage. Ça se trouve où ? À Pontarlier, c'est le centre Berlioz, voilà. Ou bien une association très active en ce moment qui s'appelle, et c'est pas un hasard, Utopia 56, et qui est au combat en ce moment du côté de Calais, Grande-Synthe et ailleurs. Cette force qu'on a en soi et qu'on nourrit en soi souvent de pas forcément se contenter du monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas, ça me semble très très actuel. Je peux finir par une toute petite anecdote. Allez-y. J'étais au café ce matin, voilà, pas loin d'ici, et la patronne derrière le comptoir expliquait que ça devenait en ce moment, et je la cite, « ne bougez pas, chacun sa place ». Alors j'ai tendu l'oreille. Je me suis dit, ne bougez pas chacun sa place, c'est selon moi l'inverse de l'utopie. L'utopie, ça respire. Et puis un client a relayé derrière et a dit « Macron, il a dit faut être assis ». Et au-delà de « il faut être assis dans les cafés », je pensais à ce que c'était que l'ordre en place et cette espèce d'élan de l'utopie qui fait que, dès lors qu'il y a de l'injustice, de la douleur, de la difficulté à vivre, ça vaut la peine de réactiver. Avec toujours cette réflexion sur le présent dans la mesure du bonheur, parce que cette notion d'utopie est liée aussi à éventuellement une quête de bonheur ou l'idée de rechercher où se trouve le bonheur. Rémi Pavin, dans votre étude sur le bonheur en France depuis 1945, et c'est cela qui est étonnant, aujourd'hui ça ne va pas si mal dans ce que l'on peut saisir comme indicateur. Alors, si on prend les sondages, effectivement, les populations sondées ont tendance à se déclarer assez largement heureuses. Mais je vous rejoindrai totalement dans l'idée que ce qui nous intéresse, c'est aussi en tant que chercheurs, scientifiques, mais aussi citoyens qui ont envie de nous engager à nous occuper de ceux qui se déclarent, malgré justement ce biais de désirabilité sociale, qui se déclarent malheureux. Et je pense que, et je vous rejoindrai donc totalement sur l'idée qu'il y a des choses qui sont possibles à faire et ça me paraît important de les prendre en compte et de... Moi, je travaille à Bobigny et je vois bien que aujourd'hui, il y a des populations qui, comme vous le rappeliez, sont laissées sur le bord du chemin et pour lesquelles on peut prendre des mesures, des politiques publiques leur permettant de devenir plus heureuses. Et puis, pour finir, dans cette réflexion sur le bonheur, il y a ce que vous avez évoqué, Rémi Pavin, ces 13 heureuses, en écho, évidemment, aux 30 glorieuses. Jean Fourastier, vous êtes membre de l'Institut. On vous connaît surtout comme économiste, auteur d'une trentaine d'ouvrages consacrés pour la plupart à la civilisation contemporaine. Vous publiez aujourd'hui « Les 30 glorieuses ou la révolution invisible ». Les 30 glorieuses, et je le dis bien dans le livre, ce sont des années glorieuses du seul point de vue économique et technique. Mais du point de vue culturel, du point de vue moral, par exemple, nous sommes bien loin de cela. Au contraire, n'est-ce pas ? Il y a des quantités d'effets qu'on n'attendait pas et qui ont plutôt délabré la société et qu'elles ne l'ont améliorée, n'est-ce pas ? N'avez-vous pas l'impression, monsieur Fourastier, que cette révolution économique, sociale et culturelle a été trop rapide et que les gens sont trop bien installés dans leur bien-être, que l'égoïsme prend le pas sur la solidarité, en un seul mot, que les gens ne connaissent pas leur bonheur? Oui, il y a certainement un peu de ça. Ni ils ne comprenaient les causes de ce qui se passait avant, ni ils ne comprennent aujourd'hui pourquoi, en somme, ça ne marche plus comme avant. Jean Fourastier, qui s'exprimait en 1979 sur Radio France Internationale, au moment de la parution de son ouvrage sur les 30 Glorieuses, il y a aussi beaucoup de jugements de ceux qui produisent le discours sur la réception du bonheur. Rémi Pavin, nous l'entendons bien. Est-ce que les gens connaissent leur bonheur ? Alors d'abord, je voudrais dire que je pense qu'il faut en finir avec cette idée de 30 Glorieuses qui a été produite par Jean Fourastier donc en 1979, qui est un économiste conservateur vieillissant, qui se penche sur le passé, qui a écrit et publié dans les années 60 des ouvrages, effectivement, comme on l'entendait là, très critiques vis-à-vis de cette évolution des mœurs, qu'il déplore. Je pense que cette expression, ce chrononyme, comme on dit en histoire, mériterait d'être définitivement abandonné. Il n'y a pas d'unité de cette période 1945-75. Il y a plusieurs périodes qui à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il y a de glorieux à avoir construit des autoroutes et à avoir bétonné la France. Je pense que vraiment, alors je ne sais pas si les 13 heureuses sont un meilleur chrononyme, mais en tout cas, je pense que vraiment on devrait abandonner cette expression et en finir avec les 30 glorieuses. Après, est-ce que les gens sont... Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'on sent, mais même dans ce que dit Jean Fourastier, c'est les gens ne se rendent pas compte de leur bonheur, ils ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi le bonheur est arrivé.

Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes, mais vous le savez, sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.